Les deux poèmes qui suivent sont extraits des « Chants du crépuscule » publiés en 1835. Hymne. Une ordonnance du 6 juillet 1831 décrétait fête nationale les journées des 27, 28 et 29 juillet en commémoration des « Trois Glorieuses », journées révolutionnaires qui mirent fin au règne de Charles X et à la Restauration. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe, éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple, et qui mourront comme ils sont morts. C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue, que le haut Panthéon élève dans la nue, au-dessus de Paris, la ville aux mille tours, la reine de nos Tyres et de nos Babylones, cette couronne de colonnes, que le soleil levant redore tous les jours. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple, et qui mourront comme ils sont morts. Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe, en vain l'oubli, nuit sombre, où va tout ce qui tombe, passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons. Chaque jour, pour eux seuls, se levant plus fidèles, la gloire, aube toujours nouvelle, fait luire leur mémoire et redore leur nom. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts.